3, 4. Ah putain, là-bas ça bouge. Et là en fait, là j'ai enregistré une autre guitare par-dessus, ça fait ça. Ta gueule de psycho quand tu fais la loi. J'ai dérangé le temps quand tu souris. Car tu sais que je n'ai rien à te donner. On va te donner bien du souci. Ce que tu penses à moi, je le sais. Ce que tu penses à moi, je le sais. Ce que tu penses à moi, je le sais. Ce que tu penses à moi, je le sais. Je le sais.